Comment éviter le pire? Il y avait une blague fameuse dans les classes de philosophie dans la fin du XXe siècle quand le professeur donnait un sujet du genre l'histoire a-t-elle un sens? On se demandait en général si le sens de l'histoire était vers le progrès ou bien si l'histoire était dans la répétition, mais il y avait une blague qui définissait parfois la troisième partie des dissertations des élèves et c'était de dire oui, l'histoire a un sens, elle va vers le pire. Le problème, c'est que cette blague de potache est au fond devenue aujourd'hui l'horizon possible de l'histoire. Nous sommes aujourd'hui dans un moment que nous définissons sous le signe de la dépression ou de la régression. Nous avons l'impression que l'histoire va constamment vers le pire, que l'idée de progrès a été remplacée par l'idée de régression, et nous avons le sentiment qu'il est tout à fait dérisoire de se donner comme but historique d'éviter seulement les changements négatifs, d'éviter le pire. Et pourtant, et dans cette idée d'éviter le pire absolu peut-être pour certains, ce que certains appelleront les catastrophes, eh bien, il y a pourtant quelque chose de positif. C'est que le pire nous donne en effet un repère, nous donne un critère, nous donne encore quelque chose à quoi nous opposer, et il n'y a pas de viser du pire sans viser aussi du meilleur. Quelque chose qui semble relatif, le meilleur ou le pire, comme quand on dit à des jeunes conjoints qu'ils vont être ensemble pour le meilleur et pour le pire. Quelque chose de relatif, mais aussi de très précis. Comme si éviter le pire, c'était en effet une tâche historique possible, une tâche très concrète, une tâche qui redonne sens au concept même, non seulement de régression, mais évidemment de progrès, car le progrès ne consiste pas à aller vers la perfection, mais aller vers ce qu'on appelle aussi parfois, dans le langage ordinaire un peu ironique, le moins pire. Évidemment, c'est incorrect grammaticalement, mais le moins pire, cela peut être réellement le meilleur. Le pire, grammaticalement, et le meilleur sont ce qu'on appelle des comparatifs. Il faut peut-être renoncer au terme neutre, le bien et le mal, peut-être aussi au superlatif, le parfait ou le terrible, mais gardons ces comparatifs, le meilleur ou le pire, qui sont nos boussoles peut-être aujourd'hui dans l'histoire. Comment éviter le pire? Comment aussi penser qu'il y a toujours un pire possible par rapport à ce qui nous paraît le pire absolu? Il y a là aussi une autre blague, pardon, je suis aujourd'hui aussi sur le pire un peu dans l'humour, qui distinguait l'optimiste et le pessimiste. Quelle est la différence entre l'optimiste et le pessimiste? C'est que le pessimiste dit « cela ne pourrait pas être pire » et l'optimiste dit « mais si ». Mais si. Et il faut distinguer, en effet, dans les degrés du mal pour lutter vers les degrés du bien. Peut-être que le changement, c'est toujours de lutter d'abord contre le pire pour permettre des améliorations ponctuelles, pour permettre des progrès précis qui n'en sont pas moins absolus, car éviter le pire, bah, c'est toujours aussi éviter la mort, éviter aussi parfois ce que certains philosophes ont appelé le pire que la mort. La seule justification possible de recourir à la mort comme à un moindre mal, la notion de moindre mal ayant là aussi toujours été ridiculisé dans l'histoire de la philosophie. C'est déjà la philosophie de la consolation, de la compensation. Mais non, peut-être que la notion de moindre mal est ce qui nous permet d'éviter le pire. Peut-être que le pire n'est pas toujours sûr, le pire n'est pas toujours certain. Peut-être que le pire appelle notre combat. Peut-être que les humains ont pour sens historique d'éviter le pire.